Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Un instant classique. Ah ben... Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 8 novembre 2010. Avec Mathieu, alias le plantureux. Le plantureux, Mathieu Plante. Ouais. Ah, tu me flattes dans le sens du poil. C'est beau. C'est beau. Ma barbe. Ouais, j'ai pas fait de commentaires aujourd'hui. Je trouve que t'as opté pour le style vraiment douchebag. Ouais. Ouais. C'était le but. Ouais. Ouais. C'est ça, j'aime ça. C'est carré, Matt. Tout à fait. François-Olivier Marchand. Tout à fait. Mathieu Plante. Tout à fait. On dit souvent nos noms, hein? Tout à fait. Chacun notre nom. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On va parler de faits divers dans la chronique C'est un fait. Tout à fait. Ah! Oh! Je viens de la comprendre. À la Mathieu Plante. C'était efficace. Non? C'est pas celle-là? Est-ce que tu veux entendre tout le monde? Non, ben oui, mais vas-y. Moi, je veux te gâter. Je ne veux que te gâter dans la vie. C'est un peu mon but. Je sais pas si t'avais vu depuis le début de la session. En fait, j'ai pas fait grand-chose pour te plaire. Je me force pas assez. C'est quoi de t'es-tu en train de dire que je me force pas assez, c'est ça? Ouais. Alors ça, tu fasses des efforts, Mathieu. Pas facile. Dans la relation, faut faire des efforts des deux bords. Hein? Pas le choix. Pour l'instant. On retourne. En. Mu. Non, c'est vraiment des timings, là, par exemple. On est supposé répéter l'un l'autre, là. On va recommencer. OK, laisse faire. Millie Grove Band, go, ça te plaît. T'es poche. Non, mais c'est toi qui es poche. Ah! Offusqué! Je voulais dire chacune syllabe. Ah. Tu l'as pas parlé. Donc. C'est qui? C'est Richard Cochianté, je pense, qui parlait de questions de feeling. C'est une question de feeling. Nous, c'est une question de timing. Ah oui, un matin, c'est pas facile. Moi, je trouvais ça délicieux et savoureux. Toi, t'as deux prénoms. Moi, j'en ai juste un, mais j'ai deux noms de famille, par contre. Mais ça, C'est quoi? Secret! Oh, ouais, donc. Ah! Un petit coup, un matin, là. Ah oui. C'est quoi ton nom de famille? Tousigny en plan, je l'ai déjà dit. Ouais, c'est vrai. Je l'ai dit en onde, même. Mais, tu sais, je sais pas. C'est... Tu m'écoutes pas vraiment parler. Non, mais on a toujours dit ici, c'est fou Mathieu Plante. Ben, c'est plus catchy, hein. C'est un nom, là. C'est plus catchy. C'est accrocheur. C'était un boum, boum, boum, boum dans une chanson. C'est comme un poup, poup, poup, une petite mélodie que tu retiens un peu à cause de ses onomatopées. Papa, la, pa, la, pa, pa, pa. Hein? C'est une question de feeling. Ben, c'est un bon choix. Oui. Ouais. Bravo, on se félicite. Est-ce qu'on serre la main? T'as un petit peu loin ta main. Non, on se laquera dans le dos. Non. Oh, OK. Très bon CD. Ouais, à assemblage requis, ça? Mettons. Qui? Mettons qu'on devait dire, mettons, où est-ce que les gens sont en ce moment parce qu'ils savent pas, mettons. Dans leur auto, peut-être? Okay. Ou dans... Dans votre auto! C'est FM. Bon. Dans... L'autre bord. De l'autre bord, j'aime ça. De l'autre bord de la rivière. On verra comment que c'est quand on sera rendu à la traversée, comme dirait l'expression. Mais on va la traverser tous ensemble, ben. Ah, ben oui, mais on se prend par la main comme les enfants avec la petite corde. Hein. Touche pas à ma main, toi. Ou la mitaine. je vais-tu bien toucher à ta main si j'ai envie de toucher à ta main? Tu m'empêcheras pas ça. On a qui dans la deuxième heure, Simon Fitzgibbon? C'est mon seul plaisir dans la vie de toucher à ta main. Avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Est-ce que tu vas répéter à chaque fois ce qui vient juste d'être dit dans la... Surtout quand c'est ton nom. OK, j'aime ça. J'adore ton nom. C'est un bon concept, c'est comme... Mathieu Plante Tousignan. Oui. Rappelons-le, Mathieu Plante, mais Tousignan, il va avant le Plante. Ah, il va avant. Parce que Plante Tousignan, ce serait ben trop laid, là. Hein? C'est moins catchy, un peu, c'est comme ça. Tousignan Plante, là. Winner, winner, winner. Rock and roll all night, party every day. C'est pas le slogan d'assemblage requis, ça. On rock pas bien, ça. Non. Nous autres, là. Et bonne pièce, ça, d'ailleurs. Ouais. Fait qu'on arrête de parler, ça, tu vois. S'il te plaît. Youhou! Ça a du sens, ça, une semaine qui passe vite de même, hein, Simon? Hey, ça a passé vite. Hein, elle a passé vite, hein? Oui, elle a passé vite et oui, elle était délicieuse et savoureuse, comme je disais. C'est... Il y avait des moments là-dedans là, intenses là, de franche camaraderie. Hein? De douchebag. De douchebagisme. Et de connotation. En tout cas, connotation. Hein? Ouais. C'était Assemblage requis. C'est lundi au jeudi entre 7h et 9h ici à C'est fou avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. On a du plaisir, donc soyez avec nous tous les jours. Hein?